Vos cartes d'identité, s'il vous plaît. Voici la mienne et là, c'est la carte de mon mari. Et les billets? Voici le mien. Chérie, tu as le tien? Oui, tenez. Et à qui sont ces bagages? Ce sont les miens. Et là, ce sont vos assurances voyage? Oui, ce sont les miennes.